بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن قدر العارفين ومن الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وكذلك إذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم لاحظ أنه صلى الله عليه وسلم هو المصلي لا أنت لأن جميع الأشياء خلقت من نوره صلى الله عليه وسلم وفي كل ذرة من الذرات دقيقة منه صلى الله عليه وسلم وتظهر تلك الدقيقة بحسب حال الذي هي فيه وأنت من جملة الأشياء وفيك سر منه صلى الله عليه وسلم فالمتوجه منك له صلى الله عليه وسلم ذلك السر الكامن فيك ولم تزل كذلك من مقام حتى ينقلك الله تعالى إلى مقام البقاء به صلى الله عليه وسلم فعند ذلك تكون إنسانا كاملا وارث الحقيقة جميع الكمالات المصطفوية فاحمد الله تعالى على ما أولاك وأعطاك وكن طالبا مقام العبودية خارقا في بحار الأحمدية عارفا بتصرفات الواحدية انتهى إلى آخره إن شاء الله تتعبي تلني تجي Signe Chapitre 32. Alhamdulillah. Moui. Quand je travaille pour maintenant, sans vouloir me faire un travail de téléphone, je suis tombé avec le téléphone de Nabi. Salam, salam, je vais vous faire un petit salam, salam. Tu es en train de sortir le nez. Ba fa ramu tam nak altimi alhamdulillah deng kon gis nañ ci jotay bi wessu ci walu tewlu gi nam ci charte bi nga xamantene mom lañu nek muy ñaar fukkelu charte ak ñaar nga xamantene ñom manam ahlu khususiy ñom ñoko am manam ñi nga xamne borom yi jagle lañ ci tariqa bi ñom ñoko yor charte bobu ñooñu buñ ko motalé manam boko bo bokké ci ñi nga xamantene mën nañ ko matal yow ci ñi gëna foor nga bok té mom moy ngay téwlu Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu liko dalé ci tambal gozif manam gozif wala werd wala xatara bi ba ci jeexital bi ba paré wala bok té bok lool mom moy boko ma lool moy soko ma suma nek sino ci biir manam fumti mu ci nek ci bir ay place lol nak li geun te geuna matale geuna kawé geuna yekiti ku upp njariñ moy budé da ngay tewlu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ku mu upp lolé parce que sir ahmed tidiane la délan naam forna et cetera mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy objectif bi manam fi tam mu am ben point bo xamantene matna baye xel ci lo xamantene leg leg da ngay dég gaay yu bari diko wax manam moy dañu lay leug dañ lay wax ne la da ngay tewlu muqaddam bi la jox wer do wala sax ki en réalité principe bu par exemple ki moy sama muqaddam ki moy lol ak existewul en fait principe bob moy existewul principe bi existé moy xeyna ki mom mu rabbi la ci man wala mel non wala bok ki moma jox wer mais en tant que manam muqaddam bo xamantene mam c'est comme si sa muqaddam la yow du muqaddamu kenen affaire bi demi wut non voilà affaire bi demi wut non parce que muqaddam yi yep ay muqaddam lañu pour ñi ci dess sauf que ba paré ñom ñep dañuy nek ci ronu khalifa ñom ñep ci ronu khalifa lañu ne voilà cheikh nañ plafoné ñep en réalité ñep ay talibé cheikh lañu a réalité lool la li xew deug moy ñepp ay talibé cheikh lañ leg leg nak serigne leg leg yalla def koku borom subhanahu wa ta'ala defal ko tawfiq bur manam go xamantene day mën di nek cheikhou murabbi en même temps di tarbiyé nit ñi et cetera té lolu de manière générale muqaddam bu nek amna lu ci man de manière générale mais dañuy rawante amna ño xamantene ñom ñom borom ndigal ñu xass lañ yo xamantene borom ndigal yu particulier lañ luñ ci mën ñi ci dess manu ñuko am ño xamantene ndax ndigal giñ amé directement ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak ci cheikh ak ci dar cheikh mu tidal la dara lool nak ñepp ko am ñepp amuñu ndigal gu joggé ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak gu joggé ci cheikh directement radi Allah niki nonu kon lolu mum moy tax manam nit nak bu ko yalla bolé kenn ci ñooñu nonu nga xamantene mum amna ndigal yoyu nonu lolu alhamdullilah wallahi alhamdulillah kok dana ko meuna jappel lu bare ci walu ci yoon bi dina ko meuna jappel lu bare ci yoon bi and ak lolu yep du dara ludul ko xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sayyid ahmad tijan radhiyallahu ñom ñoy feñé ci mom jeexna lool rek la sino manam c'est à dire que da ngay jëflanté ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sir cheikh mati dar radhiyallahu ci jëmmi kok lool la tek légui ben kon mbir bi nga xamantene mo mata suñu fi moy le fait que ñuy téwlu kon haqiqatan manam dañu war di tewlu yenenbi sallallahu alayhi wasallam boñ ko mané suñ ko mënul ñu tewlu cheikh radiyallahu anhu mom mo sax né day tew ci jotay wazifa yi comme niñ koy gissé inshallah yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy tew ak kan ak ñenti khalifa bi sayyidina abubakar umar uthman ali radiyallahu anhu khulafa ar-rashidin ak kan sirah tijal radiyallahu motax boy wazifa ñu ne la place bi nga xamne ngay nek nga na nek place bu lap ci juro fu juro ben nit ne meuna xat juro ben nit yoy ñan lañ yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam ñent khulafa ar-rashidun yi ak cheikh fi cheikh mati jalla dara moy juro ben nit amma bëgg ko yaatal na diw day tew diw jëjë des tew kaje ke tew na yoyu waxi chaaxar la yeenenti non il faut mu leer ñi mo sax ne dañuy tew teewayu keneen saxul naam leg leg nak borom subhanahu wa ta'ala def manam nit ki wazifa kenn ci nitu yalla yi manam yu magi fekk ci jotay wazifa bobu lol meun na ne mais kanta bu ko def règle nan so yu wazifa diw de tew diw tew diw lol de lol de minute non yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy tew ak yenen ak ñenti khalifa mi ak cheikh muy juroom ben motax espace bobu ñu lay wax ngay samonté ak mom muy lola motax ñu lay samonté ak espace bobu kon yow en réalité ki nga wara tewlu haqiqatan moy kan yenenbi sallallahu alayhi wasallam wara cheikh lolou mo upp doola naam soko manul amna kenn ci ñi nga xamantene ñom ñoy muqaddam wala khulafa yi nga xamantene yalla defal na len iznul khas gog nga xamantene ñom bo manam a travers ñom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh manam dañ ci dañoo am ben ay tejal yaat yu def ci ñoom manam ay manifestation yo xamne dafa ruy nga tewlu len ngir gis gi ngay gis cheikh wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam a travers ñoom boba naam lolu man na nek parce que yow en réalité lolu moy so mënul tewlu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala cheikh manam so ko manul parce que da nga am problème mu tewlu ko parce que lolu tamit du ñepp lako yalla defal mais sino ala kulli hal jota yi wessu li nga xamanteni gis nañ ko ci xéetu tewlu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh la délan surtout yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu mom adiotul ci nga xam nan la yenenbi mel wala mu mel won sallallahu alayhi wasallam adiotul ci ni seigne bu nekké par exemple comme li nga wax légui da nga téwlu djuroom ñaari djëm yoy ngay wax djuroom ben la djuroom ben ya ngi djégal djuroom ben non djuroom ben la bëggul wax légui nga tek ci manam comme li nga wax légui moy ko xamné ni manam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh dañu fën ci mom def ay manifestation ay tajal yaat ci mom nga tewlu ko ci manam mu nek djuroom ñaar est ce que lolu lu bax la sa liñ wax ci tariqa bi liñ wax ci tariqa bi moy yonentibi sallallahu alayhi wasallam point final ye tuddulul ne khulafa wi sax yonentibi lañ la wax sallallahu alayhi wasallam cheikh parce que cheikh moy su buntu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lool mom motax en fait cheikh mom moy su buntu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam te mom moy su serigne bi nga xamantene naka jek mi ngi fi ak yow mi ngi fi ak yow nek ak yow di topato sey mbir zahiran wa batin tous les jours tout le temps cheikh mi ngi fi tout le temps ak yow di la jappale di topato sey mbir tout le temps en réalité yow lolou boko réaliser deug c'est que ñuko mën réaliser ñoo bari wul mais boko mëne réaliser deug soxla wolo une tierce personne abadan soxla woko ñu mën réaliser lolou nak ñoo bari wul mais so mëne réaliser né ndekete man cheikh ak man fuma toll mais soxla wolo une tierce personne abadan ak ku mën doon soxla wulo ko pour sa tarbiya di avancer mais nim wara avancer soxlo ñi ci def ñep ci wa tariqa bi dag melni normal dox len teur et cetera ndax say frère lañ say mbokk lañ ñom bu de ñola raw fouf manam ñolu sut parce que lool tamit day am ça ne veut pas dire que ni ñun ñep ño bokk école bi ñi jàngé que ni ño tollu niveau ni bokk classe waaw affaire bi dañu wut non ñi ngi jàdd na fa ñi ngi primaire voilà ñi ngi collège école bi mo mak rek voilà école bi mo mak nga xamantene niveau yeb dañu ne ci biir mais école bi limi mag ben professeur la ñam moy cheikh wazira legui nak am la ay niveau intermédiaire école bo xamne jardin d'enfants ba terminal cheikh mo leen di jangal mo hein deux ba doctorat ba doctorat wa cheikh leen di jangal doctorat cheikh leen yo mo leen di tarbiya lool dafa am mbir mi non la demé mais cela ne veut pas dire que ni salaam ki yow bo koku nonou manam sa diko su fekente da yow xam nga ni mom meun na lay mom en tant que niveau jardin d'enfant bi mom yi topato sey mbir mais soxla wulo kenen ko intermédiaire bi soxla wulo ñak ko comprendre moy tax ngay son sa bop ci intermédiaire naam dina am comme niñ ko gissewone ci khulafa u yek yoy de toute façon dina am khalifa bi nga xamantene mom lepp luy jaar ci yenen talibé cheikh ci mom la ko jaarale radhiyallahu anhu lolum day am mais mom tamit du ko joxe parce que ah dalal ci xamna ma ci xam wo ci deul ken selon parce que mom da fe nekkal talibé cheikh yep talibé cheikh yep la fi nekkal deul aduna bi yep la fi nekkal univers mom nekkulu fi bopam wala ay mbokam de toute façon ñoom amuñu lool voilà hein wa kon mom ta wa talib cheikh yu plaf nek cheikh mo nan lu muy def ak sagam ni ko gëna tuuti ci yeneen khulafa yu ñoom ño am lool la xamne lu ñuy def cheikhaleen koy wax waxuma la mo ah kon ñoo cheikh mo len di sedd moy sedd ñom ñu sedd motax cheikh bi kenn ci talib bi daf na ma ki cheikh bi man ko tay dafa dugg xalwa yoy mu dem wax ko mu ne ah man dama wax ne aduna bi yepp dugg xalwa wa dama lol la wax aduna bi mo dugg wa parce que mbir non mais manam ala kulli hal c'est-à-dire que donc lolu mata baye xel la suñu problème ñun yi ëpp ci problème yi mi ngi amé d'abord ci base bobu problème bi yépp fofu la nekk voilà té pourtant ñom buñu défon manam buñu xirtalon nit ñi ci ñuy centraliser lepp ci cheikh radiyallahu rek jamm na ñoy problème yi ngi gaay di deg yépp liko indi xëccoo yi hein entre talibé ñom samba ak talibé ñom demba hein ñu dëkk rew sangam ak ñu dëkk place sangam té affaire bobu attention du Sénégal rek la ma xëccoo bobu non di am ci bir ñi comme par exemple ay wa tu wa won fi wa kaolak fe lool du Sénégal rek la am amna ci yeneen rew yu beure comme tay par exemple Maroc tal baqili ak yu wa ki nafifi ñomit non même problème xëccoo lañ am xëttu ki bobu lañ am hein manam ni nga xamne ñoy askano ci ñom comme ni ñi rek nga xamne ñi askano ti tuawon ak ñi askano kawla wa madina bay da ngay gis bu kenn ku nek bu de wax ci bir discoursum da ngay sentir ne mi ngi gar wala gaay ci dess hein lol day bari ay xëccu yo xamantene kenn ku ci nek japp ne affaire yi fi la ne wa kenn ku ci nek créer ben histoire bu yonale affaire yi mom fi la ne newul fenen hein voilà donc lolu alors que buñ centraliser won lepp ci ne ñun ñi ñun ñepp ay talibé cheikh la ciono hein jamm ni ñoy ñu xamni kat ah ñun ñepp ay talibé cheikh la duñu talibé keneen té lolu principe bu fondamental la ci tariqa bo xamantene danaka ñu bare dañ ko commencé légui négliger donc té itam manam ñuy amna ben affaire tamit bo xamantene bu dommage la tam bu am kérok sax ma ko doon dund ci e bi ñu seen ndiga dafa waxtaan bu am solo bob bu pare ci teju burdu bi mais en fait comme yantibi sallalahu alayhi wasallam biñu borom bi daf ñu dimbali ba nga xamantene ñun yantibi sallalahu alayhi wasallam borom bi daf ko boole won ak sahaba yi ñi nga xamantene ñom ñuy gëna ma radiyallahu anhu ñu toxalal ñu di mais intégralement yaquñ ci dara amul dara lu ci yu lu ci deñ amul dara lu ci dindé mu mat seuk toxal ñu toxalé ko ci ñun ni mu mat si rahmatu jalla da yalla xewul gu mel non la ko borom bi defal da ko bolé ay ponkal wallu yu maga ño xamantene ñu sincère lañ won ci and gi ñu and ak mom ño xamantene ay hawari yu na lañ manam dañu gëm cheikh gëm ba jeex ci mom tak jël tariqa bi toxal ko fepp ci aduna bi mais ci anam go xamantene anam gu wër la amul dara luñ ci changer wuñ ci dara niñ ko toxale niñ ko jëlé won ci Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ni lañ ko toxale sans ñu yok ci wala ñu wañ ci dara yalla lool la ko defal kon buñu ñew après génération ben wala ñaar génération rek ñu bëgg kenn ku ci nekk bëgg lebeuji affaire bi de telle sorte que ñooñu nonu tay pour ñu tuddu ci ñaar ñet ku ci xam ñet nit wala ñent borom xam xam la ci tariqa alors que dañu waron xam seeni tour ak seeni jaloore ak seeni mbir deug deug ak ñoom ñoy ñan comme ni nga xamantene nonu la ci xame ñi ñew seen ginnaw le simple fait que ñu djiggi ñooñu manam ñu melni comme si ñu leen di manam ta jaaxal moy melni ku leen di rerelu ba rerel leen faf lolu problème personne va oublier jusqu'à oublier ouais parce que pour affaire bi lolu mu jëre tay ñu bëré bëré li upp 90% mën nañ mën buma ko waxé sax duma joom ci talibé yi na leen limal leen ma fukki talibé fuk ño xamantene ñom ñi ñi doon and ak sirah mutti jani la radiyallahu directement limal ma ci fuk 90% talibé dañ am problème en tout cas ci sénégalais mom ce qui est sûr mom lool champion diapolé non mais c'est vrai donc madame c'est juste pour wax la rek na la que ni ñun problème bobu lolu ben problème la bo xamantene buñu dal la bu graw la bo xamantene buñu wara bayyi xel la buñu wara bayyi xel la buñu japp abadan que ni ñi ñew seen ginnaw ñoo gëna for talibi direct yi sirah bi ci jani radiyallahu abadan sir al harazi ñom sir al tamasini ñom sir abdul wahab al ahmar ñom ñoñu sir tayyib sufyani ñoy radelan et cetera ñoo buñu japp ne wa sir muhammad hafiz shankit et cetera buñu japp ne gaay yi ñoo ñom sir ibrahim al rayahi et cetera barne mais ñoo buñu japp ne gaay yi ñew seen ginnaw ñoo leen gëna fora parce que ñun dañuy am tendance manam bi jimu melni comme si ñom ñu ñu ñew seen ginnaw ñu gëna for lool erreur bu ri manam koku fex koku ri lu deug réalité mbir mi la ba rire en fait dañ koy ri lu diko ri lu au finalement ñu rire kenn ku ci nekk da ngay gis tay bu ñu jëlone ñun suñu bi sénégalais ñi ci xam seen wax sama baqini radiyallahu anhu bari wuñ buñ ko waxe sax ñu bari c'est pour la première fois ñu lay gisent tout hein ñi ci xam seen mahna xef kan souci radiyallahu mais ça tour bi tour yi sax sa na mais attends andi mais c'est qui ça ko kan la hein et cetera manam topal lol donc donc hein donc lolou ben problème la bo xamantene hein problème buñu concerne la té il faut que nous top il faut ñu régler ko bay ci xel wax ñu bay ci xel légui gisoon nañ ci suñu jotaay bi wessu kene yantou sallallahu alayhi wasallam dañuy jeex hein dañu wara jeex ci mom comme ni ñi jeexé té ni ñi jeexé ci mom moy sopp ko di top sunnam di melo ay melom di jël ay jikom ak am teggine manam ci lepp lo xamanteni diglé nako ak téré nako lool nonou soko défé da ngay lool ci ngay démé ba jéx ci mom légui nak muna waka zalika niki nonou amna benen mbir bo xamanteni bu am solo la moy iza sallat soy julle alayhi ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam lahis naga gende ko manam baye xel anno naga mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom al musalli moy ki julli la anta du yow han lol tamit benen affaire la moy nga natale ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy la moy julli ci bopam yo en réalité do dara lu lan au parleur hatta waxuma la julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais zikkar yi ngay def zikkar yep zikkar yi ngay def hein jang alquran bi même hadith bi comme niñ ko waxe ci demb hadith yene bi sallallahu alayhi wasallam sokoy jang sax gissal ni en réalité mom mo koy mom manam mom moy wax à travers yow mom moy wax à travers yow té lolou likoy firndel moy mais Cheikh Abdallah Dabakh radiyallahu anhu mom bo dan jang hadith day gis lèr gi ni mi génné ci sa gemmi bi yekiti ko ci kaw mo xamné wax ji waxu kan la waxu yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam day mom nim ko don mbir mi dafa foron ci mom ba nga xamné bo dugalan benen wax bu bokuti waxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci digënté bi day xamné parti bi ye du waxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ko continue mo xamné bi waxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam parce que lan motax parce que dafa am lèr bu spécial bu nek ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs daf dan wax né ma boy waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu démé ba nga xamantene nit ki manam limu wax dafa nek alquran wala wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam leer gi du tolo ñom ñaar mom sax da ko dan xamé xamné bi alquran la bi moy wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam hadith qudsi tam day xamné bi non bi en fait hadith la du alquran wax mais benen façon la mom hadith rabbani la ko tuddu li hadith rabbani la donc leer gogou nonu bu spécial gogou ci lañu xamé ni motax leg leg sax bo ñewé ne ko nga tari ben wax jo xamantene yeenbi sallallahu alayhi wasallam waxu ko lan lay wax da nan wax ji jenne wul ci digënte ñaari tuñu yu teddi sallallahu alayhi wasallam yeenbi sallallahu alayhi wasallam wala la hmm wax ji de jenne wul ci digënte fan ñaari tuñu yu teddi yeenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci ngay xamé lan ci ngay xamé né en réalité yow boy wax jo xamné yelente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam en réalité du yow yayi wax kan moy wax yelente sallallahu alayhi wasallam salam mi mo yëngatu ci yow la génné et cetera en réalité da génné wul lool mom ibn atay la wax rahmalahu hakami min na la tufrahka ta'a li annaha barazat mink walakin ifrah biha li annaha barazat min Allah ilayk bula top yi manam boy top yalla def lu bax bul ci bek parce que dafa dang ko def dafa genné ci yow dedet bic ci nga content ci lool parce que dafa tukki ci yalla ñew feñ ci yow nek ci ngir lool moy mom la lay wax ni so wax ye wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam bayil xel ke ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam ngay wax waxam manam kon bayil xel ke ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo nek ci yow di wax a travers yow xam nga leg leg nit ki bu ko jinné jappé muy wax fekk jinné be wax mais ku ko gis day fogné mom moy wax ku xamul affaireu jinné yi day fogné ki moy wax mais alors qu'en réalité jinné ji moy wax manam pour nga gëna comprendre la rek mais joti wuñu dara kenn dal yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy wax mo ne ci yow di wax à travers yow soy wax waxam motax dara gënul tedd di wax alquran wala nga wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñaan yi ëpp doola ci ñaan yi zikkar yi ëpp doola ci zikkar yi moy yi nga xamantene mom la yenente bi sallalahu alayhi wasallam jangale moy rotu sunna yott ci alquran ak rotu sunna ci bir yoy rotu ci alquran nak salatu ala nabi ci la bok ndax yalla mo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallu alayhi wa sallimu taslima ha alquran moko kon rod na ci lan ci alquran rat ci sunna yenté sallallahu alayhi wasallam kep ko xamantene da nga julli yalla ci bopam mom rek moy lool li nga xamantene yalla dafa ni man mako def ma def ko en tant que allah dajale sama mbolen tour yi melo yi lepp man ak malaka yep kenn desul mais en réalité yamul fofu lenn lu ci nek day julli ci nek sallallahu alayhi wasallam alquran kullun qad alima salatuhu wa tasbihuhu kenn ku ci nek xam nga ni ngay julle ak ni ngay sabale amul dara ludul amna lu muy julle ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mais en réalité dina la ko wax legui yoy yep en réalité yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moy julli ci bopam a travers lolu yep univers yep donc a travers yow tamit motax moy nday zikari zikar yep bi ci gën di nday zikar yep jur yenen zikar yep moy di julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ndax ci ngay jeex ci mom yexi ci mom sallallahu alayhi wasallam te mom moy buntu bo yexé ci mom yexi nga ci yalla moy moy yoni motax se ci jowatu kamam sirati katta mesta mom moy yon bi nga xamne moy bi gëna juk siratal mustaqim bobu ngay ñaan moy al hadi la siratal mustaqim moy ci yo gindé jëm ci yoon bu jup bi mais mom ci bop moy yoon bu jup bi mom ci bop sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mom moy yoon bi mais moy accès bi tamit moy comme exemple buñ la joxon ci TGV bi ci Kounouzi xam nga yow tay bu mu ne da ngay dem Paris jël sama tank di dox di dem ma ngi ci yoon bi mais yoon bi mi ngi tambalé man fi ma tambalé mi ngi jéxé bu ma yéggé pa lool moy yoon deug bu fekkénté na man yoon bobu ci bopam hein ki nga xamné mom moy lay orienter pour nga téggu ci yoon mom moy jëmm yoon bi hein mom moy jëmm buntu bi tax ma mëna yegg koku kay moy bu ma téggo ci kawm yegg na parce que su fekkante nek comme TGV man xamna ni TGV mom moy téggu ci kaw ray xamna te xamna ni TGV mom moy bi gaaw vif lay def dem yegg maam le simple fait que ma dugg ci TGV bi ba tok mu leer ma ni TGV bi tak na te day dem ci la sama yoon jeex sama chemin jeex manam fim toll digeunte bi may def Lyon ak Paris yep doxuma ci dawuma ci defuma ci dara lu voyageur di def lu dul tok lu deug ndax nima toge ci départ gare de Lyon bi gare par demi nonou lay toge ba jekki jekki gis na yek sina en réalité bougé wu fi ma tok lu deug en réalité man bougé wuma kan mo doon bougé TGV mo bougé ba pare gaw yo balé en fait motax bo duggé ba jeex ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam jeex na yegg nga en fait parce que fi nga mom moy yoon bi mom moy voix bi la yëm mo lay jëmele ci yoon bi mo lay mom moy buntu yalla mom hadara yalla mom la mais kon yow en fait bo jeexé dugg nga ci mom rek jeex yegg nga amatu lo denen chemin mako koy def motax nak bo natale ni mom moy def du yow bobu benen ngeenel mom mo ci nek bu bokut ak parce que déjà comme niñ ko waxé légui manam le fait que rek ngay gis ni en réalité hatta waxam sax sallallahu alayhi wasallam manam en réalité mom moy jang hadith bi en fait yow c'est comme si yenenbi sallallahu alayhi wasallam en fait c'est comme si mom moy yow en fait salam ni lay utiliser pour wax limu daan wax ci jamono ba legui ndax lool mom moy comme liñ wax legui ni cheikh abdass dabakh radhiyallahu anhu motax man moy justifier li tax muy bo waxe hadith mu gis leer gogou genné sa gemine yow te même leer gi yenenbi waxe won sallallahu alayhi wasallam lay gis muy genné sa gemine kuko meunti wax même leer gi la moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy wax a travers ñoo ñu ñep han donc legui su fekenteene mbir mi non la deme man kay bu may julle ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam damay tok rek daali jakarlo mo wala ma dugg ci mo wala ma jappé sama bop ne ko man ben tokula ci giit gi ñi wax xatu muhammadi man ben tokula ci ndax aduna bi yep mom lañ ko bindé univers bi yep yentim sa sam lañ ko bindé bindé wuñ ko ci keneen wala ci lanen yalla mom la bindé a partir de mom ci la bindé yeen mi def yep donc ñun ñep ay partition lañ ci mom du deug kon man bu fait que le fait que ma japp ne man duma dara luddul ben atum ben tok ndox ci bir geej gi ñu wax haqqatu muhammadiya mu dugg ci mom mom muy def lolu benen gagnaay gi ci nek benen gagnaay gi ci nek moy le fait que lolu bima ko def en même temps mangi wané ni mangi feñal sama mbeugël ci mom mang koy magal et que surtout bu ñu may fay jëf ji ni du ñu mako fay parce que man Mustafa mako def mais parce que yarrantou bi sallalahu alayhi wasallam mako def lool mom moy gagnant bi benen gagnant bi ci ne lool mom motax loolu dafa mata cultiver manam ba xam ko xamé ko mu bañu recc nga xamné li mbir mi ni lay démé yow après gagné nga mais su fekké nda na la japp ni ya ko def motax amna ben amna ay post yu ma gis ci Facebook bi eh fan yi ñaar wala ñett fan yi amna tax benn buma ci commentaire xaw ba xam gis nga commentaire ba ci voilà ci salatu nabi voilà exactement nañu offrir nañu offrir 1 million de salat ala nabi au prophète sallalahu alayhi wasallam nangam ha ah gis nga commentaire voilà commentaire gis na ci ah voilà exactement voilà légui man commentaire buma ci def moy né en réalité du yenente bi sallalahu alayhi wasallam ñun du mom mo ñuy offrir salat mom manam ñun mom mo ci baxam ci lañuy julle ñun ci mom mu wala bok mom moy julli ci bopam a travers ñun lool la mo xew deug deug haqiqatan lool mo am donc du ñun ñokoy dox ñun liñu mëna am ci lool rek moy fexé moy ñu yek ne bëgg nañ ko ñu feñal suñu mbeugël manam bu ñuy julli ci mom ñu feñal suñu mbeugël ci mom ak diko magal and ak respect bi reuy biñ ko jox magal wéguel et cetera lool rek lañ am ci lool ñun lool rek lañ ci am en fait ñun lool lañ wara fexé ba développer ko ci biir bu ñu julli ci mom mais sino mom moy julli ci bopam à travers ñun lool mbaxam la mom mais ñun donc utiliser terme nan ko may way nan may su yeen ci dedet utiliser terme way gaay nañ non lolou wéré deug kan mo yanti wi la sallallahu alayhi wasallam sino yanti bi sallam univers ñepp ngi julli ci mom comme niñ ko wona sal kullun qad alima salata wa tasbihah hein lenn lu ci nek amna façon bu muy julle ci yanti bi sallallahu alayhi wasallam selon ni mu mel deng kon mom la la wax ne la kon na nga baye xel ke ni mom moy julli ci mom ci bopam du won du yaw nga ni lolou tax moy li nga expliquer sax munale an na dafa fek ne jami al ashay mbole mbiri khuliqat dagn leena bind min nurihi ci leeram mom yenen sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli dharratin ti nek na ci bepp zarra moy atom min al zarrat ci atomi daqiqatan ak sew sew minhu bu tukki ci mom sallallahu alaihi wasallam manam amna tout temps ci atomu univers bi lenn lu ci wu ci nek amna ben secret lenn lu saw lu ci nek han lo xamantene ak tok la lo xamantene ci yenente bi la joge sallallahu alaihi wasallam wa tazarut dana fi tilka daqiqa gogol ak sew sew bi hasabi ci lu askanon tek halu alladhi bi nga xamantene hi mom la nek fi ci biiram wa anta tayaw min jumlatil ashay da nga bok ci mbolam mbiri rek nga bok wa fi ka ta nek na ci yow sirrun ab secret minou bu tuké ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam en réalité yow mom la seigne dugal do wax ci bourdou bi sa waxtan bi gis nga li nga don wax wa okay moy mais amul kenn ci minde fi kudul yermane yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak leeram mi ngi ci biram ma fil bariyati man lam tasqihi karama min nurihi rabbana ya allah ya allah reeg xana ci ki la ne tayse wa amul kenn ci minde fi ma fil bariyati man ko xamne lam tasqihi nandaloko karaman teranga kesse min nurihi ci leeram mom yenen ci sallallahu alayhi wa sallam rabbana subhanahu wa ta'ala mola mom tan nga do amna fi yank doon djundiala tam ci nan comme mom leer la bu tuké ci borom bi voilà subhanahu wa ta'ala et que le fait que mu nek leer mom yenen ci sallallahu alayhi wa sallam bu tuké ci borom bi kenn ku nek tamit ci ñun beubal nañu manam tour na ci yow leer gog moy nurun min nur kat awda taho hekama tafidu faydan ala al akhlaq ya allah hein moy leer gog non nurun la ak mom moy yeurmande ak yalla nga am yeurmande ak yalla tamit gi nga xamantene mom dafa matale mbole minde fi moy wa masafiratu turja khair rahmatika al-awmal amimati kull al-khalq kok moy yenante bi sallallahu alaihi wasallam mom rek moy sunu yakar moy ki xamantene mom moy sunu lepp nunu beug nunu wut nunu saxu en realite mom mo fi nek dinu ko yalla diko jaarale ci mom moy buntu yalla bi en realite motax yoy yi ni gis nga buntu parti bi ni dafa intéressant dafa am solo de telle sorte que soko réaliser li parti bi dafa bok ci tarbiya bi haqiqata dafa bok ci parti bi nga xamantene dang ko wara dafa bok ci zikar ni nga wara teewlo en même temps mais dafa bok ci li nga wara réaliser manam idéologie bi nga wara fonctionner en tant que talib pour sa tarbiya gaw yom dafa ma idéologie yo xamantene tamit nit ki tam bu pour tarbiya am gaw yomb dafa am idéologie bu mu wara fonctionner état d'esprit bu muy démé bi ni ci la bok moy nan nga wara considérer yentou sallallahu alayhi wasallam ndax tariqa bi mu nekké mohammadiya manam comme dinañ ko gis inshallah le fait que mu nekk mohammadiya dafa nekké ci anam go xamantene han manam ci haqiqam le djugé motax kenn ku ci nekk ci talibé han amna ben ndeppal bour couran bu nek ci sa kaw bok bu ñu bindé at tariqatu tijaniya man sha'aha haqiqatu muhammadi tariqatu tijal fiñ ko aska fiñ ko sosé moy ci haqiqatu muhammadi té ndeppal bour woom ben ki la ni ki wu leer la ni couran bu leer bu nek ci kaw bo xamantene mom kenn bindiwu ko ci dara lu aduna bi dede haqiqatu muhammadi lañ ko jele directement diko tek ci kaw bop nit ñi bop talibé cheikh ñoy manam yoyu dafa bok am nañ koy gis waaw wa kaf yi lañ koy gis am na motax ñu bari bari dañu xam ne ci talibé cheikh la juste à travers lool donc yoyu dafa lolou dafa mata baye xal manam moy état d'esprit bi nga wara am par rapport ak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam consideration bi nga am bo tax gis nga bo xamé lolou fo dem wallahi da ngay and ak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam fo de amna kuma ko don wax kero nan dama bëgg xawma jotay ban xawma yenente bi nek faak yoy suñ jotay bi yenente bi teew amna kuko don ko wala wax ju mel non bo man ko lool de yow muna yalla mais lool la ko don dindi nek lool de fu de fo tok rek yenente bi top sallallahu alayhi wasallam fo nek rek yenente ba nga faak yow lool yow muna yalla wa ah lool yow muna yalla wa alors mom amna état d'esprit yo xamna soko yoré manam ngay fonctionnal ak mom bal mu sax ci yow fo nek da ngay nek yent bi sallam au contraire dang koy gis fo nek sax dang koy gis en fait yow yaay boko gisul ak say beut yi sax ci sa bop dang ko gis ak sa beut yi sax ci sa xol waaw waaw kon amna secret bu nek ci yow kenn ku ci ne atum bu nek nak dafa am secret bu nek ci mom bu bo xam tane ci yenen tibbi la jige directement sallallahu alaihi wasallam yow tamit yow tam même nga non bu la kenn gem lo ne la ñun ñoy ñi nga xam ne secret yenen tibbi da ne ci ñun après ñi ci def ñom affaire bi deul yow tamit non nga mel secret tibbi dafa nek ci yow sallallahu alaihi wasallam waaw oui ma fil bari yef amul ci minde fi ku mel non ak tafidu faydan ala al akhlaq ci mbolam minde fi han rahmatakal uzma al amimat kull al khalq mbolam minde fi bu la kenn nax dila gemlo ne la affaire bi dafa am ñi ñoko yor après ñi ci ñi dedet yow tamit yenen debi sallallahu alaihi wasallam dafa am secret bu nekk ci yow leram mi ngi ci yow nandal na la li nga xamantene moy leram gi mi ngi koy beubal ci yow bu waaw motax gis nga affaire gem sa bop rek ku ci gem sa bop da nga dem waaw kep ku ci gem bopam rek da nga dem problème bi kay moy baña gem sa bop mais ku ci bi yatuna han mané autoroute bi yatuna sa auto dem waaw ku tek sa auto rek dem voyage dañu infini duñu matal en fait nit ñi liñu yor ci auto dafa gëna touti mais fouf li nga xamantene mom moy yaatu wayu autoroute bi limitation de vitesse amu ci yow kay man la dawal rek man la dawal rek te nangone ci autoroute bi way bul genn de wa kay deng kon lol lay wax ni mune nak kon wa fi kulli dharratin dawmun dharratun wa tasar tilka dharratun wa fi kasirun min salasa muné fal mutawajjihu aji djublu minka ci yaw lo ci mo djem ci mom yanté bi salasalama zalika sir moy bobu le mbot al kamil bay aji dexeñu bay aji nebbatu fi ka ci yaw manam ce secret yanté bi salasalam bi nek ci yaw en réalité yaw boy djublu ci yanté bi salasalam di djulli ci mom wala ngay djublu ci mom diko xalat wala di xol yoy en fait ce secret bo wonek ci yow ci sa bir mom ar neubatu laqatu ñu dencu ko bobu nak mom moy en réalité ki dugg ci mom te secret bobu ci kan la nek secret bobu secret kan la du sa boss de bu yenen tibi la sallallahu alayhi wasallam mais bu nek ci yow kon mom moy djublu ci mom sallallahu alayhi wasallam moy julli ci mom mais kon da fa fegna ci yow mais en réalité li hein leele dara fegna en réalité fek du mom manam affaire bi ci bir la nek leele bo gisé acier mën na nek ci ben affaire ni manam ñu mouré ko comme ni affaire bi ni li le nek fi ni le ki fi ni ap acier mo ci nekkon nek nga xamantene boko tege benen acier bi dañuy ñew rek tapante manam bu ko defé motax acier même affaire yi bu lu mu neubatu fi ni wen wala boko tege menen morom acier wala wen ci wet gi rek du koy xëc ema lay don day bëgg di dem ci mom du deug te pourtant yow mi gis ben der nga gis ci kaw wala lenen mais li tax muy dem ci mom moy parce que ñom ñaar ñoo bokk dañu xëccenté secret bobu ñu nekk ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam day bëgg tout temps di delu wat ci ciosanam bu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mom moy jublu ci mom kon en réalité min ka ilayka la rek bo lo rek la ci yow lu joggé sallallahu alayhi wasallam ci yow lay delu sallallahu alayhi wasallam lool mom motax soy xol nit ñi di gis ci ñoom tout temps surtout julit ñi mo gëna tax sax ñuy wax parce que ñoom lèr gogou di lèr yéne tim sa sam dafa feñé ci ñoom parce que en fait c'est lèr wu ngëm yalla bi fan lañ ko brancher lèr wu ngëm yalla bu fekente na bi gëna touti buñ lu ko wuñu lon tay ki daqam moy yalla ci julit ñi daqa def bakkar léram tay bu ko yalla fegnalon nit ñi gis ko day gis ne dafa fess del asaman digënté asaman ak suuf hein lér la go xamantene amul ben suuf ci atanuko kon yow boku té lu ko té lulul li yenen tib sallallahu alayhi wasallam moko té lér gogou nonu né alu ngëm yalla gi nek ci yow gukuy yëk yëk ne gëm nga yalla amna lér bu ci ne gumu andal han ko kep gum yalla amna ko lolou mom jarul mag jarul dara jarul am ben spécificité ci bir julit nekkal julit rek xam nga limay wax amna leer gu and ak gum yalla bu ci ne leer gogou non sagam ben montagne atunu ko souf se asaman yeb atunu ko ne leer gogou ngey mais fan amna source amna fumu joge fenen fan la fudul yenen ci bi soulassal lolou nak so comprendre lolou tax yenen ci salassam en fait ñu comprendre lolou affaire bobu ci ñom ñom dañuy mënd di ressource wo ci yenen ci salassam directement motax imam sharani radiyallahu anhu di wax nan serinu kurel gi haqiqatan gisone nagn ko yakarna ci buntu bi wessu moy ci wala wala yaqazatan haqiqatan serignu wa kurel gi moy wa tasawuf en realte moy yarante bi sallallahu alayhi wasallam moy sen vrai sori dañuy jele ci mom directement sauf que en fait buñ le dañuy jele ci mom directement dina ma intermédiaire mais intermédiaire bo parfois dok dang koy xam parfois sax dok xam comme niñ ko gisé parce que day jaar ci cheikh day jaar ci mais comme cheikh mom khutbul maktoum la kuñu neub la hein meun na jaar ci khalifatul batin comme mom batin la dafa neubatu tamit day jaar ci mom mais doko yak doko xam ngay deflante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam fokk ne amul kenen ku dox sa digeunte leena sax ci walu yu am ci ño xam dañ dañuy dem ba fomé ñom dañuy jëlé directement ci yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam après dinañ rendre compte de suite que ni affaire bi dal en fait yalla mo len may ki bobu manam ñuy jëfëlante borom subhanahu wa ta'ala mais ndekete amna intermédiaire ñom dinañ ko xam après mais dañ ko dul yek dañ dul yek ni mi manam affaire bi ni mi jaaré ci yentib sallam buñ ko yek mais en réalité dinañ xam né ah affaire bi kan ndekete yentib sallam fokk mu jaar parce que d'ailleurs le simple fait que mom rek nga mëna top borom subhanahu wa ta'ala nangul la sax ñaar mom rek mo mën top moy wala la wala sallallahu alayhi wasallam deug donc walam tazal te musul dañ ka zalika niki non min maqamin walam tazal do dañ yow kazalika neko non man di mel non min maqamin di tukke ci ben maqama hatta mbata yonqalaka mu tokhal la allah bur ya ta'ala ajka ila al maqami ci maqama al baqa nga sax bi ci mom sallalahu alayhi wasallam manam ngay saxé ci mom manam mom atra manam par mom yonenté bi sallalahu alayhi wasallam xam nga da nga jéxon ci mom moy fanaw bi légui nak baqaw bi moy nga saxé ci mom moy né loy defaté rek ndégé mom mo koy def en fait sallalahu alayhi wasallam moy source bi voilà de telle sorte que yow légui sa dara dootul dagati parce que lolu moy baqaw deug deug baqaw deug deug mi ngi amé ci bo démé ba nga xamanté nit ki légui lolu mom daram do interrompre daram do dagat c'est à dire que bu nekké limi def manam dé wu yaramam dootu du am benn effet ci yéegu makamam ak ay jëfum dañuy sax lepp muy sax yalla loolu la koy def mais à travers kan yenenti bi sallalahu alayhi wasallam muna fa inda zalika faf bobé nak takunu dana nek insanan nit kamilan bu mat sekk bo ba na nga nek nit ku mat nak wala ku mat sekk nak ah waris al haqiqa wa nga nek nak dono deug deug jami al kamalat di jami aju dajal al kamalat ay mat al mustafa wete ko djok kanu belika mu yenenti bi sallalahu alayhi wasallam kon nak fahmat santal allah bur yalla taala aji kawdi ala ma ci li nga xamne na awla ka mengale na ko ataka te jox na lako ni la yalla mengale te jox lako sant ko ci wakunte nekal taliban di aji sakku maqam al ubudiyati maqamat manam saxal sa mbumu njam saxal sa mbumu njam degeelo gharikan di aji lap fi bihari ci geedji al ahmadiyati ko djok yent yalla ahmad sallallahu alaihi wasallam moy haqqatul ahmadiyya xamne ala aarifan bi aji xam bi tasarrufati ci sopandiku al wahidiyati kay ko djok ben di tiapatuli du mom kesse moy yalla nga xamne ndegete nga sant yalla nak ndax yalla tan na la boole na la ci nga xamantene han deug deug sen xamnañu affaire bi comprendre nañ deug deug réalité mbir ndegete ni la mbir mi di dafa yow ne comprendre nga sant yalla nak bi la yalla de boole ci ñoom te ngay saxal nak legui yow bul sét leneen lul lan maqamul ubudiyya manam ne man jaamu yalla la wutuma leneen ci yalla lutul nek jaamu jeexna bul nek jaamu leneen lulul kan yalla bul nek jaamu wilaya bul nek jaamu aljana bul nek jaamu safara bul nek jaamu fathu bul nek jaamu maqama bul nek jaamu dara bula yalla wanon bolem secret yi ci asaman yi soussi wan la turu yalla yi ñu andal ben bu ci nek atom ci asaman ci souf yep secret yi ci nek ak tour yalla ya len taxawal mu wan la ben bu ci nek nan koy jeufandiko wala aljana ak safara seeni secret ya ci nek ak tour yalla ya ni andal yep wan lako ba lepp lol yep ngay jakarlo ak mom ak diko mën di jeufandiko taxul nga am ben cieur ci yalla li lay jox cieur ci yalla xam nga moy lan nga nek jaamu jeex saxal sunu lu jam deug nga lap ci geedu kan yent bi sallallahu alaihi wasallam ha manam ba pare sopandiku yi nga xamantene mom moy aji tiapatuli ki kenn sopandiku nga sax ci nga ha nga lan nga xamé ko moy lan moy en réalité ñu loolu lañu tuddé ni aduna bi en fait loolu moy wax du wujudi xam nga manam en fait existence ñi am li am yépp kenn rek la moy kat yalla yalla rek am waxon na la yent bu la nexé nga né yalla rek am bula ne ak ay defum ki turum ak melo bula nexe nga ne haqqatul muhammadiyya rek ka fi am waaw parce que yep ci mom lañ incarné wu manam bula voilà mais moy yalla rek ka fi am yi ci dess yep dañuy tek manam en réalité sen tiosan moy ak ñaka am yalla mo len mu melo am ñuy feñ ci solo ni ko yalla bëgge ak anam yi ko bëgg ci circonstances ye condition yek melo yek yep yalla moko beugé non mbir mi di démé non mais sino kenn rek am mu yalla en fait ñi ci dess duñu lu am réellement mais interface la ci ki am mu yalla waxon nañ la la mbolem aduna bi li fi am duñu dara lu dul lan ay sétu ay reflet ci tourou yalla ak ay melom ay reflet lañ ci tour yalla ya ay melom adna bi lo rek fa am li ngay gis yeb en fait amuñu dans leur manam xam nga interface moy la manam suwar wujut la mais wujut wujut al wujut deug deug moy ci am moy yalla parce que lool moy lan moy xolal dede na def telephone bi en réalité limay gis ni interface bi ki may jakkar lol di jeufleunte ak mom ak yoy hein moy lan lima jakkar lol li li interface affaire bi la mais deug deug telephone bi ay code la unit bi ay code la ay programmation etc man yoy en réalité ñom ñoy ki man legi dafa am rek lu ñew pour interface bi nga xamantene man kokku lay mënd di waxal lol lay mëna waxal lol lay mënd di jeufleuntel mais réalité bi mi mom man awma ci accès kokku moy existence bi légui nak man dama war di comprendre buma comprendre ray deug am xam xam deug deug deug ci affaire bi ni muy déme informatique bi électronique bi damay comprendre que ni en réalité man téléphone bi ma téyé li kok la rek mais du téléphone bi en réalité téléphone bi mi ngi ci bir nek ay code ay circuit intégré etc ni programme sangam exactement bo appuyer ci touche sangam ni am nangam et cetera mais du réel mais lolu du réellement téléphone bi téléphone bi ci bir la né manam lolu moy aduna bi yépp yi fi nek en réalité duñu existence ay interface lañ ci existence bi té existence moy kan yalla jeexna lolu so gissé da ngay giss né aduna bi en réalité kenn rek yow nak ya ko dul gis motax ñu bari bari bari yalla tout temps mi ngi ni di jakkal ñu leen gis ni mu gën leen jégué seen buumu xol sax mais duñ ko gis ñuy dégg tout temps yalla di wax ak ñom mais duñ xamné yalla moy wax ak ñom dañ fogné leneen la ñuy gis tout temps yalla mais duñ gis né yalla mom lañuy gis dañ fogné leneen la al haqqu laysa bi mahjubin innama al mahjubu anta an al nazar ilayhi wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala wa rahmatullahi yalla duku yiwu duku nebeutu duku ñu mur duku voilé wu yow ya voilé wu par rapport ak nga gis ko ndax law hajabahu shay'an la kana safiran manam bu amone dara lu koy yir kon lolou da koy mur te bu amone lu ko mur han la kana lahu hafir kon lolou day nek luko ndar kep mam luko englobé te lepp lo xamné dafa englobé dara day nek qahir ci lool mam dakoy no lu englobé dara rek dakoy no te yalla wo bol qahir fo ko ibadi moy ki note bolam jamu bi mbé fi en réalité dara nek fi loolu yalla ak ay turum ak melam yow ya ko wara gis lool la lay wax ni manam lool moy wax dafa wujut lool en réalité peut-être que ci ki bi kunuz inshallah dinañ gën développer point bi mais mom lañu bëri di mom lañuy wax rek gaay ñu bëri ñaka comprendre situation affaire bi après parfois ñu ko expliquer moy compliqué wala ñu ñak ko comprendre wala lool rek la mais en réalité lool wax dafa wujut lool rek la moy fi dara nek fi loolu yalla ak tour ak melom bu la nexé nga ne haq khaf muhammadiyya intaha fofu la wax jëm muna wasalis wal ashruna ñaar fukkel charte be ñettal moy bi jexal moy istihdar du tewlu maani maana alfaz dhikri kaddu zikare in kana dem nek na laka ñel qudratan ak katan ala fahmiha ci deggu bo meune comprendre lolu nga wax nga def ko qala wax na mom si rahmatu jalla da'an fi jawahir al maani wa bul ghamani wa yastabiru nay tewlu ma zalika and ak lolu maani alfaz maanay baati azzikri zikari in kana dem nek na lo woné ko qudratan ak katan ala fahmiha ci deggu ko moy comprendre ko wa illa bu lolu amul fan yastami'na deglu lima ci li nga xamantene yaskuru danuko tuddu bi lisanihi ci lamina manam moy su fekete ni mëno comprendre zikar bi xamulo baati zikari limi tekki moy lan nga lan nga xawa wax ci kaw tuti pour au moins sa préoccupation yep nek lan nek li ngay zikar demugo voilà parce que bodul comprendre li ngay zikar aussi nga diko deg parce que lool la nga koy tewlu dal lool moy pour ñi ci xamul arab ak yoy inshallah manay lool ne ci benen chapitre motax parti bi ni dañ koy acc commentaire bi ci aju dañ koy acc ci chapitre bobu inshallah voilà li deug li xala bu ko defé mu soxla lo fikro ak lan khalamam ak khalatam anal jawlan wuluf di wërelo wërwërlo fi ghayrima ci lu bok tak li nga xamantene huwa mom bi sadalihi mi ngi ci mbir mom wayu aynu bu ko defé lol dana ko xettali bu ak lu koy dimbali alal khudur ci tewlu manam lol day tax le fait que muy tewlu mana zikar bi day tax muy préoccupé wor ci zikar bi di tewlu parce que tewlu daf ci am solo ni ki nonou day tax aussi maqsad bi manam amna manam moy ni nga xamantene mom lañuy dublu ci buñuy zikar ak yoy lolou tam amna benen buntu dañ ci ñew inshallah legui lolou benen affaire la ñettel ñaarel ñettelu mbir bi mom moy su mënul zik su mënul fatlikul lolou mënu ko xalat mënu xamul lan la muy lan muy zikar mu def lan han muy wax ci kaw touti pour mën di deg manam préoccupation nek rek li muy zikar au moins mu def lool parce que lool nonou daf koy dimbali mais boudé yaangi zikar sa xol nga fi yaangi wax ci leele di xalat leneen et cetera tout ça lool bari wu ndari légui nak lool la wax na la kon lool dafa bok ci mbir mom muna waqala wax na fil khulasatul mardiya neena al hadi ashar fukel bi ak ben yaani min ci nam min adabi zikri ci tegni zikar ihdar tawlu mana zikr mana zikr bi qalbi ci xolam ma kulli marratin andak bepp per bu ne nga tawlu mana li ngay zikr soko manum nga tawlu ko ci ying ko man manam bu le biir ci sheitan bu la japp bu le reculer bi nga def bi ci dess et puis tamit le fait que ngay zikr te do tawlu bu mul la tax ba nga nan zikr bi matatuko parce que amana borom subhanahu wa ta'ala dana la jappale ba nga man ko intaha fi la wax diam wal fi la chapitre bi wallahu buri ala taala adika al muwaffiq moy adi depp de bi manni ci xewal nga sawab ni li nga xamni moy lu djuk wote mom buri ala al hadi moy adi ginde han wa ilayhi tati bom box burum bi kesse subhanahu tudna mak salangam gatch ngalama al marju moy delu way wal ma ab moy weru way الحمد لله والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين